Salt Lake City International Airport. Please fasten your seat belts and make sure your tray tables are upright. Nous survolons Salt Lake City, la capitale des Mormons, en plein milieu des États-Unis. Je relis la feuille de route qu'Alain Allard nous a envoyée et je ne suis pas sûr de comprendre le programme de la journée qui nous attend. J'ai pourtant maintes fois précisé à notre interlocuteur québécois que je souhaitais uniquement visiter leurs infrastructures liées à la recherche généalogique. Nous sommes ici pour comprendre comment les Mormons exploitent les listes de noms qu'ils accumulent depuis toutes ces années. Quelques minutes après avoir atterri, nous embarquons dans la voiture d'un couple de missionnaires. Nous entrons sur l'autoroute et plutôt que de rejoindre la ville, nous fonçons vers les plaines désertiques de l'Utah. Je remarque que nous nous dirigeons vers une sorte de zone industrielle à l'écart de la cité. Je ne m'inquiète pas outre mesure car je sens que nos interlocuteurs contrôlent parfaitement la situation. Nous descendons de la voiture pour pénétrer dans l'accueil d'un immense entrepôt. Le malentendu va sans doute vite se dissiper car un homme vient à notre rencontre. So you guys are here studying family history, yeah, is that exactly. What I? Yeah, exactly. So you've been to the history library too then, I'm assuming? They're going tomorrow afternoon. Oh, tomorrow afternoon. What we wanted to do was kind of give them a broad overview of the church before they, so that they can understand why that family history is important to us. Okay. Cheery, qui nous accompagne depuis l'aéroport, nous présente à Quinton Van Wierde. C'est le chef de l'immense infrastructure dans laquelle nous venons de pénétrer. L'endroit ressemble à une usine géante, vidée de ses ouvriers. Et l'homme que nous avons en face de nous est, semble-t-il, son responsable. Il a bien conscience que nous sommes là pour enquêter sur la branche d'histoire familiale des Mormons. Mais pour comprendre la globalité de l'œuvre de cette religion, il faut suivre notre guide et regarder ce qu'il a à nous montrer. So you're here to study the family history. Yes. So the family is very important part of the LDS Church or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We believe that families began before we came here and we believe that families will continue to grow after we pass away. And because of that, we all consider everybody family here on this earth. You're my brother in spiritual ways. We believe that everybody's related from the same Father in heaven, we're spiritual children. Not to get too deep, but we truly believe that. And because of that, if some of our brothers and sisters here on this earth struggle feeding themselves financially, or maybe loss of a job or some kind of a disaster of some sort, and they have a hard time providing for themselves, because of the family organization that we truly believe in, we've set up what we call the welfare system. Quinton fait le lien avec notre sujet d'enquête. Les Mormons sont persuadés que les humains vivent éternellement. Autant dire que dans ces conditions, la famille est un cocon essentiel. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne se contente pas de noter le nom des morts. Elle veut aussi sauver les hommes pendant leur existence pour prolonger leur passage sur Terre. Tout ce que nous voyons autour de nous doit donc servir cet objectif. Is if somebody wakes up and they had a bad day for whatever, you know, earthquake or fire or whatever disaster might be, then we can get this food to them as quick as possible. So we have this in storage, quite a bit of it, and I'll show it to you out back. So we have our own trucking company, so we can get it there quickly. We can help our brothers and sisters immediately. And that's the only reason that this building and the other buildings that you visited exist. Quinton nous explique que tout ce qui est dans ce hangar peut être envoyé en un temps record n'importe où sur la planète, pour assurer la survie d'une population touchée par un cataclysme, par exemple. Le hangar dans lequel nous nous trouvons n'est pas un petit modèle. Il est impossible d'en apercevoir la fin. Couple things about our warehouse. It's earthquake proof, up to about 7.5, 8.0 earthquake. So it's designed to take a major earthquake. If something was to happen, we can't be in rubbles. We still have to be able to get the food out to people and to help them, you know, wherever they might be. So the building won't come down, the racking won't come down, but, you know, maybe the gloves up on top might hit the ground or something, so you still got to be careful. But yeah, the building itself is designed to withstand an earthquake. So, well, let's jump on a golf cart and we can zip around here. Pour aider en cas de catastrophe naturelle, il faut être soi-même toujours debout. C'est pourquoi le bâtiment qui nous entoure est construit selon des règles drastiques pour résister aux pires conditions. Comme Quinton nous l'indique, il faut une voiturette de golf pour parcourir les kilomètres d'infrastructures de stockage des Mormons. Nous embarquons justement à ses côtés avec notre couple de missionnaires. So we have toilet paper, you can see our rolls of toilet paper. Cereal, this is our cereal for the kids. These are all empty cans. These will eventually go to our own canneries and our production facilities that we can put product in. This is our diapers, you know, you can see the amount of diapers that we keep here. Les boîtes qui s'empilent partout sont des kits prêts à être expédiés dans le monde en cas de catastrophe. Ces actions servent la cause des Mormons. Car quand les autorités sont dépassées, les camions qui transportent ce matériel de première nécessité véhiculent un grand espoir. C'est un instrument de prosélytisme imparable. Le logo de l'Église figure bien sûr sur chaque boîte. Les Mormons ne se contentent pas de stocker des brosses à dents et du dentifrice. Nous allons en avoir rapidement la preuve. So this is our freezer. It's only 14 below in here. Canada gets this cold, doesn't it? Yeah. You should get used to it. So you can see turkeys. So right now, because of the Thanksgiving and Christmas season, we're bringing in turkeys so people who might need it, we can help them. Oh, yes, please go fast so that the wind chill. Yeah. It makes up more than 14 below. It's the wind chill now. Nous venons d'entrer dans un réfrigérateur géant où est entreposé un an de nourriture pour des centaines de milliers de personnes. Le tout à une température ambiante de moins 25 degrés Celsius. Cette fois, les réserves ne sont pas destinées aux populations lointaines, mais bien aux Mormons d'Amérique. L'église de Salt Lake City a en effet bâti ses propres magasins pour distribuer des victuailles gratuites à ses membres les plus nécessiteux. En sortant du frigo, nous apprenons que notre prochaine destination est justement un de ces magasins, là où les Mormons répartissent les ressources. La bibliothèque d'histoire familiale s'éloigne un peu plus pour nous, mais pour bien cerner cette organisation, la visite semble indispensable. Tout au long du trajet, les plus gros bâtiments portent tous la marque de l'église. Après quelques minutes de route, nous arrivons dans un nouvel endroit tenu par les Mormons. Cette fois, nous sommes à l'intérieur d'une bâtisse commerciale reliée à un silo géant. Okay, again, my name is Joe Moriyama and welcome to Welfare. This is called Welfare Square and we're just excited to have you here. Thank you so much for taking the time. Joel Moriyama nous accueille dans un magasin plutôt traditionnel. Mais différence de taille, ses clients sont des membres de l'église qui vivent de l'aide fournie par leur religion. Milk, cheese, yogurt, sour cream, cottage cheese, okay. Nous traversons les rayonnages et aucune caisse enregistreuse à l'horizon. La nourriture distribuée aux membres est gratuite. Un autre détail est frappant. La plupart des produits sont de la marque Deseret. Les Mormons fabriquent leur propre nourriture dans leurs fermes ou leurs usines. Cette religion vise l'autosuffisance. Et elle incite ses membres à faire de même à titre personnel. We're recommended by the leadership of the church to have a year's supply of food. Now, some people can't do a year's supply. Yeah. Some people do a month. Some people do 3 months. But the idea is to work towards you could have a year's supply of food. So we My wife and I have 4 children and 9 grandchildren, and we have more than a year's supply of food for all of those people in our home. And so if we had a disaster that happened, we would be able to eat out of that food supply for over a year. We have 2 areas. One area is about this size right here that's completely full. And then we have another area that also has 60-gallon drums of water and also fuel for like a fire if we needed to stay warm. So we have fuel for a year. Scott, qui nous accompagne depuis le début avec sa femme Cherry, stocke chez lui de grandes quantités de nourriture pour pouvoir survivre en cas de catastrophe avec toute sa famille. D'ailleurs, toutes les conserves qui nous entourent à cet endroit du magasin sont conçues pour durer plus de 30 ans. Toutes les actions des Mormons s'inscrivent donc dans le long terme. Aujourd'hui, nous n'avons pas abordé directement le sujet de notre enquête, mais nous avons découvert le fonctionnement de l'Église dans un autre domaine. Et ce fonctionnement est similaire pour la généalogie. Grâce à un impôt collecté auprès de chaque fidèle, l'Église est riche et peut déployer ses services gratuitement. Avec un subtil mélange de prosélytisme et de volonté de respecter les commandements de son prophète, elle déploie son organisation à travers le monde. Elle parvient à pallier le rôle d'institution parfois défaillante. C'est ce travail qu'elle entreprend pour notre mémoire. Elle veut préserver les données de l'humanité pour son culte, mais aussi parce qu'elle sait que c'est une vitrine très attirante. Alors demain, c'est sûr, nous visiterons la bibliothèque d'histoire familiale et nous emprunterons l'ascenseur qui mène à la voûte éternelle. And when people see the magnitude of our operations, the question that it immediately begs is, why do you do this? Why do you expend so many resources to do this? And the answer is actually very, very simple. La voûte éternelle est un balado coproduit par le magazine Québec Science et Sylvain Lombroso. Réalisation et voix, Sylvain Lombroso. Conception sonore, Daniel Capeille.